mabele ko sakate lokola bolingo oyo toloni nde kokola. L'amour, c'est le miracle qui a lieu tous les jours. Je vais inventer un amour pour t'aimer. Tabakoloba pardon te, kasi merci Bakoloba. Apache, Apache, Mawete, Washington. Molingo malobo solo bela mwana moto yo mokozo yebate. Lelo tike linga eritaja bashaka kasi ya bomengote. Tala nenge otiki mwana moto. Ainu tonto ye, zelu tonto. Linga kama, matema pasi. Nge bongo yo ya, reviens à moi. Mato ye yo kimingi Jose Dinganga. Mono kweto nga mina singa lokole lambanga. Nga ima loba nyoso kobimisa apa trouble na susi. Et comme il a connu, me kweli moto na mosapi pasi. Amame, minyoko susi. Felifo Muzingi, Rocky Ipio. Bolingo yango, lokola biloko balambisi. Atana lelita, boya kotike la gaya. Reviens chérie, l'amour ne suffit pas. Harmonie Lova, célèbre Wama. Debs de Mokalinga Eva Katanga Ndenge nazolinga ya mabekaka Nazolinga ya lokola na découvrir amour sika Apache mawete Parion zambe a beni sa vie nga Nkana o beni sa langa ibolingo Mpe o beni sa bato banso Nkana, kana Yanko le blanc, les compliments Moto nalinga ka Martino Kavalaï Moto nalinga ka Kiki Touré ou Jean-Pierre Sa Yo yo l'incontournable les derniers dédiosos Zambé o benisse la bisa et me donne mon âme Mato yo a lolo Père benisse bato banso Bato bazala ki roto mandako Basali de vie batye nyonso bato ngela kandako Kaya sesi mama baya na zelo Kasi mbabosa ni maina moyi na devi yangu Parce que mia devro ya nzambe Matia bana, devi ne Ha ha ha to you Charlie Franklin Pembele, Blaise Malanga Apache, c'est le rêve permanent Nazo zangi sata mokete de yolinda na nina Elembo tika ngay nangu ezali kaka lamu Kuka mwate so ibakumeli yo sango na ngaya mawaye Sostel isenge sango na ngaya mawa Na komyo rekorde woyo na luna kite Poli mwana ngaye suka na mote manayo Apash mawete Emily Iboko Osamba yo lokola Echeke kweli moto Ekweli moto Mayela moto suka Meso kia komye bebe Kwite pe saka Merci na mona kwite Kwite bebi saka moto No no no no Moto nalinga kasi si manga Moto nalingaka Claude Emedi via moto Moto nalingaka Jipe masan pour décorateur Moto nalingaka Jipe lukombo mi corazon Kana, kana Denise Singa Lankoso enok Jean Pombo Irene Lusambo Mimbengali babi Pieleman Emelu voizo boutique sans taxe J.P. Yametelo, Boston, Kamina Angel Yoa José Dinganga, conseil exécutif et famisa Kana, Kana Bijou Bolingue José Kongolo, démocratie Ata moto avant la rapébé ni balé A soko la kakara na katini Leni Ibuna, Bob Shaumba Eme Esalo, José Guantzambo, ah, Guilain Tiala. Moto nalinga kanu igo kitenge Goda mote mona horizon masamba Wasenga kipuni na pome chaka eme kidimu na la la Bravo Dongala Moto nalinga ka Clotilde luye pudi Bato bazala ki koto mandako Polem et Simon Basali de vimba tienyo so bato mena kandako Kaya se si mama baya na zelo Aboubakar Jebesko Basi babo sani mai na moi le plus important Parce que mes devre yanzambe Basia kana